achète et tout se négocie. Ta poche est pleine, t'inquiète, la mienne aussi. Tout est bon dans le pilon sur la vie du grossiste. Je ne peux pas donner mon cœur, y'a qu'une place dans le Ferrari. On a commencé le bénéfice en bas de la tour. On jette le cartable dans le compteur. Fuck les cours, la rue petit c'est dangereux. Elle joue des tours. Arrivé au placard, y'a pas de porte de secours. Ici tout s'achète, se négocie, ouais. Ta poche est pleine, t'inquiète, la mienne aussi, ouais. On est rarement surpris par le prix, ouais. Tout ça c'est grâce à ce putain de bénéfice, ouais. Bénéfice, ouais. Chaque jour je me lève, je pense qu'au bénéfice, ouais. Maman est fière de ce qui est devenu. La drogue c'est pas gratuit, tous les jours, nous on prend des risques pour le bénéfice. C'est la crise, ah ouais c'est la crise. Donc mettez 07 sur le 06, si c'est cannabis, pile de bénéfice. Les bons comptes font les bons amis, les mauvais font des mélamélas. Quand y'a de l'oseille, y'a plus de famille, toujours à cause de ce foutu bénéfice. Tout s'achète, se négocie, ouais. Ta poche est pleine, t'inquiète, la mienne aussi, ouais. On est rarement surpris par le prix, ouais. Tout ça c'est grâce à ce putain de bénéfice, ouais. Bénéfice, ouais. Chaque jour je me lève, je pense qu'au bénéfice, ouais. Maman est fière de ce qui est devenu son fils, ouais. Partir loin de ce fils pour faire le vide, ouais. Bénéfice, ouais. On se demande toujours où est le bénéfice, ouais. Papa est fier de ce qui est devenu son fils, ouais. Le cri sur fait son pense. Bene, bene, bene, bene, bene.